Vous écoutez la sélection libre Endoctrasia sur Radium 89.7 FM, Castres. We'll be right back. C'était Veit avec le morceau Diablo in Vivo, artiste Jamendo, précédé de Nastylicious, Dirty on the Dance Floor, un morceau très sexy, très électro, qui passe très bien, on apprécie, on vous le passe. On va continuer parce que là c'est music, music, music, et ça tombe bien puisqu'on va passer l'artiste Manusic, qui nous provient aussi de Jamendo, deux morceaux que nous avons fort appréciés, donc vous allez les découvrir. Le premier s'appelle Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, qui sera suivi de Pseudo Dantique, Manusic, sur Jamendo, let's go. Octrasia, la voix du monde libre. Une émission produite et réalisée par Julien Pelletier. Thank you. Je rappelle l'adresse pour nous contacter si vous voulez nous envoyer vos musiques, vos messages, vos dédicaces ou tout simplement me parler. C'est contact@endoctrasia.com et on sera là, on vous répondra, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci, comme la dernière fois, j'avais répondu à plein d'emails qu'on nous a envoyés. Donc voilà, alors là, on va repartir un petit peu dans l'électro avec un artiste que vous avez apprécié et que moi aussi j'apprécie, qui s'appelle IKS Vox. Avec le titre Force Control Education, artiste que nous avons déjà diffusé, que vous pouvez retrouver sur le site iksvox.com. Très beau morceau qu'on écoute tout de suite. Naughty children in the classroom didn't do what they were told. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. Alors là, j'ai un petit message à passer à toutes les personnes, tous les artistes, tous les groupes que nous avons diffusés. Nous sommes aperçus avec l'équipe qu'au fil des émissions, pas mal d'entre vous essayaient d'établir un contact, essayaient de discuter ensemble ou bien de mener à bien des projets. Et on s'est aperçu qu'il manquait en fait un espace de discussion en direct, en fait un petit chat que nous avons ouvert sur le site endoctrasia.com et qui permet, si vous voulez, de partir à la rencontre des artistes. Même nous, on y est de temps en temps. Et puis on s'est donné un petit rendez-vous, à savoir 21h, comme ça vous pouvez venir et venir discuter avec les artistes quand ça vous branche. Donc ça peut être sympa et c'est ce qui manquait. Donc nous l'avons fait. On va continuer en musique. Avec encore deux petits morceaux qui nous proviennent de Jamendo. Le premier, donc, l'artiste s'appelle Tyler Lambert, morceau Could Been, qui sera suivi de Triad Icy. Triad aussi, vous avez bien apprécié. Le morceau Icy, nous ne l'avons pas encore diffusé. Eh bien, c'est pour vous tout de suite après Tyler Lambert. La sélection libre Endoctrasia. Et si toi aussi tu te sens artiste, alors rendez-vous sur endoctrasia.com pour proposer tes sons. What you're thinking, 'cause I'm thinking. En Doctrasia, émission éclectique, on passe de tout comme musique, et là on va faire une petite session Dogmazic. Alors je rappelle à nos auditeurs ce qu'est le site Dogmazic, c'est une plateforme de distribution libre sur laquelle vous pouvez y aller écouter des milliers de groupes, des milliers de morceaux, ou même si vous, donc, vous êtes un artiste, eh bien vous pouvez vous inscrire et déposer vos chansons. Alors là, on va, écoutez, là j'ai sélectionné trois artistes que nous avions déjà diffusés. On va commencer par le consortium des artistes libres avec la piste Nozel, qui sera suivi de Delgarma avec La Caissière, et puis Silence avec le morceau Réalité, dont je rappelle ces trois artistes, vous pouvez les retrouver sur le site Dogmazic. Du Monde Libre, une émission produite et réalisée par Julien Pelletier. 4, 3, 2, 1. checker sur mon petit tapis qui roule et salit. Les petites touches sur lesquelles j'appuie les sacs en plastique que je remplis. Pour de temps en temps, un petit merci. Je rangeais les briques de lait, le papier d'essai, la crème à raser, le savon qui sent bon, les boîtes de thon, les paquets de lessive, les tubes de dentifrice, les paquets de saucisses. J'étais caissière montée au bureau, soit avec mon magot, tout compter, me faire engueuler pour un petit trou, pour quelques sous, oublié, disparu, je ne sais où. La sélection libre en Doctrasia sur Radium 89.7 FM, Castres. Cette semaine, je suis tombé amoureux. Amoureux d'une voix, celle d'une artiste Jamendo qui s'appelle Jade, et dont j'ai sélectionné deux morceaux. Le premier s'appelle Ready, et le second s'appelle Voodoo Love. Doctrasia, la voix du monde libre. Une émission produite et réalisée par Julien Pelletier. Thank you. On passe vraiment du pur son dans l'émission Endoctrasia et j'espère que ça vous fait plaisir car dans notre registre éclectique, on ne peut pas faire mieux. Et là, on va tout de suite enchaîner sur Greg Beaumont avec le titre La face cachée de la lune, artiste que vous pouvez retrouver sur greg-beaumont.com, qui sera suivi de mon gros coup de cœur aussi qui s'appelle Simon V feat. Laura Ryanan, le titre Rookius, des artistes que vous pouvez retrouver sur le site simonv.com. We'll be right back. Vous écoutez la sélection libre en Doctrasia sur Radium 89.7 FM, Castres. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Petite précision, le premier son au tout début de l'émission est de David Aubrin, le morceau Sampler, artiste Jamendo. Pour ma part, eh bien écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Entre-temps, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le site endoctrasia.com et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne suite des programmes. Allez, ciao, ciao!